avalon image. Yamanda Elena, Babo Kisili, Kisili, Dalentono, Leniki Nungi, Latini Mantembo, Mama Sara Mukamba, Bebe Alta Mukamba. Bienvenue dans Jisena Randy Shop, Ijeri Shari. Yaka, Akira Kewa, Papi Mboma, Mami Lela, Oyo Ezali Jesui, Pongo la porte et Tokotae. Dogo botekola, ya jeje fula mambo, fula per, ya samba, rumba tumona, alete du tenda ya sobina, l'homme à la barbe bleue, Richard Kabala sobina, la vraie valeur sûre, Adoni tio mwa sobina, tio, Ivan Plis, amwa vi tenda ya sobina, Doris Ilunga, au rêve, ablese bongonda bini, Jokur Mbala na Luanda, les patriotes humbles, Didier Moubengaï, Yannick, Bolassi, Youssouf, Moulumbo, les capitaines, Jacques Lunga Mondo, le prêtre d'Avalon, Abel, Saviola, Simambot, Yapresta Baki, Akaram, Jisembos, Ale Sakalaka Sakalaka Yo. Doris Beya, Studio Sabat, FPN Bank, vous d'abord, Patrick de Panama Vini, Loupe Poké, Guilain Serouti, Abouya Mayola Vini, Guilain Tumika, Ali Pangante, Vie Chaba, Clément Moubengaï, Universal, Jean-Jacques, Moi, la Canada, Ayata Dovina, Fidelie Minzunza, Bébiche Minzunza, Mimi Kiangani Yasule Nzongo Willi Mbia Vanga Bini Willi Kiala Tombo Etani Tolekae Toto Bandu na Lausanne Akima, Akima, Deba Akima, Usamba. Akima, Akima, Akima, Akima, Akima, Usakubide, Etotabo Veli Kolombo Kama Metate, Usakuseka Viki Bala, Veli Kolombos, Vekisa Papa Ali, Papa na Felicite Ogi Mwamba, Kalombo, Kiba Cedric Ambassadeur du Japon, les Boli Pataki, y'a José Sosongo. Samy Tombasi, Jujou Linanga, Tito Lembe. Les Boli Namboya, Awa. pamelato. Oya mataka ji, oya mataka. Jise moto e di moto fe, te fie ta fa. Montana, la danse Montana. Ah, tous les maîtres Big John. Et Estoril Sound, Alice Montero. Michel Happy. Patrick Tiala. Okay.